trois séquences sonores enregistrées dans le quartier de l'Arlequin à la Villeneuve de Grenoble. Première séquence, AR1, parcours sonore passant par la galerie et la place du marché. Un genre de pistolet. Ah oui, les gars. Ça a mis joue, ça. C'est le pistolet. Allez, on va aller chez nous. On va devoir aller.